De ce que c'était que Nicolas. 30 ans plus tard, le même personnage, connu alors sous son nom patronymique de Restif, auquel il avait ajouté celui de la Bretonne, propriété de son père, eut l'occasion de retourner à l'hôtel de Hollande, situé vieille rue du Temple, et qui appartenait alors à Beaumarchais. Les personnages de la scène précédente avaient eu diverses fortunes. L'ambassadeur de Venise, peu estimé dans le monde, traité parfois d'espion et d'escroc, avait péri, condamné par ordre du Conseil des Dix. La belle Guéant était morte de la poitrine, et Nicolas l'avait pleurée longtemps, quoiqu'il n'eût pu nouer avec elle qu'une liaison passagère. Quant à lui-même, il n'était plus le pauvre ouvrier typographe d'autrefois. Il était devenu maître dans cette profession qui alliait singulièrement à celle de littérateur et de philosophe. S'il daignait encore travailler manuellement, c'était après avoir accroché au mur près de lui son habit de velours et son épée. D'ailleurs, il ne composait que ses propres ouvrages, et telle était sa fécondité, qu'il ne se donnait plus la peine de les écrire, debout devant sa casse, le feu de l'enthousiasme dans les yeux, il assemblait lettre à lettre dans son composteur ses pages inspirées et criblées de fautes, dont tout le monde a remarqué la bizarre orthographe et les excentricités calculées. Il avait pour système d'employer dans le même volume des caractères de diverses grosseurs, qu'il variait selon l'importance présumée de telle ou telle période. Le Cicéro était pour la passion, pour les endroits à grand effet, la Gaillarde pour le simple récit ou les observations morales. Le petit Romain concentrait, en peu d'espace, 1000 détails fastidieux, mais nécessaires. Quelquefois, il lui plaisait d'essayer un nouveau système d'orthographe. Il en avertissait tout à coup le lecteur, au moyen d'une parenthèse, puis il poursuivait son chapitre, soit en supprimant une partie des voyelles, à la manière arabe, soit en jetant le désordre dans les consonnes, remplaçant le C par l'S, l'S par le T, ce dernier par le C cédille, etc., toujours d'après des règles qu'il développait longuement dans ses notes. Souvent, voulant marquer les longues et les brèves à la façon latine, il employait dans le milieu des mots, soit des majuscules, soit des lettres d'un corps inférieur. Le plus souvent, il accentuait singulièrement les voyelles, et abusait surtout de l'accent aigu. Cependant, aucune de ces excentricités ne rebutait les innombrables lecteurs, du paysan perverti, des contemporaines ou des nuits de Paris. C'était désormais le conteur à la mode, et rien ne peut donner une idée de la vogue qui s'attachait aux livraisons de ses ouvrages, publiés par demi-volume, sinon le succès qu'ont obtenu naguère chez nous certains romans feuilletons. C'était ce même procédé de récit haletant, coupé de dialogues à prétention dramatique, cet enchevêtrement d'épisodes, cette multitude de types dessinés à grands traits, de situations forcées mais énergiques, cette recherche continuelle des mœurs les plus dépravées, des tableaux les plus licencieux, que put s'offrir une grande capitale dans une époque corrompue. Le tout relevé abondamment par des maximes humanitaires et philosophiques, et des plans de réforme où brillait une sorte de génie désordonné, mais incontestable, qui fit qu'on appela cet auteur étrange le Jean-Jacques des Halles. C'était quelque chose. Cependant, l'homme fut meilleur peut-être que ses livres. Ses intentions étaient bonnes, en dépit des écarts d'une imagination dévergondée. Il passait souvent les nuits à parcourir les rues, pénétrant dans les bouges les plus infectes, dans les repères des escrocs, soit pour observer, soit dans sa pensée pour empêcher le mal et faire quelque bien. Il s'imposait, dit-il, le rôle de Pierre le Justicier, non en vertu des devoirs de la royauté, mais de ceux de l'écrivain moraliste. Cette étrange prétention le suivait également dans ses relations du monde, où il se faisait le médiateur des querelles et des divisions de famille, ou l'intermédiaire de la bienfaisance et du malheur. Il se vante aussi d'avoir, dans ses excursions nocturnes, consolé ou soulagé plus d'un misérable, arraché quelques jeunes filles à l'opprobre ou à l'outrage. Ce serait de quoi lui faire pardonner bien des fautes et bien des erreurs. Restif est surtout connu comme romancier. Il a pourtant écrit quelques volumes de philosophie, de morale et même de politique. Seulement, il ne les publia pas sous son nom. La philosophie de M. Nicolas contient tout un système panthéiste où il tente, à la manière des philosophes de cette époque, d'expliquer l'existence du monde et des hommes par une série de créations ou plutôt d'éclosions successives et spontanées. Son système a du rapport avec la cosmogonie de Fourier, lequel a pu lui faire de nombreux emprunts. En politique et en morale, Restif est tout simplement communiste. Selon lui, la propriété est la source de tout vice, de tout crime, de toute corruption. Ces plans de réforme sont longuement décrits dans les livres intitulés « L'anthropographe », « Le gynographe », « Le pornographe », etc. Qui prouverait que les penseurs modernes n'ont rien inventé sur ces matières ? On retrouve, du reste, les mêmes idées mises en action dans la plupart de ces romans. Le second volume des Contemporaines contient tout un système de banques d'échange pratiquées par des travailleurs et des commerçants qui, habitant la même rue, établissent entre eux une communauté déjà phalanstérienne. Revenons avant tout à la biographie personnelle de ce singulier esprit. Il en a semé des fragments dans une foule d'ouvrages, où il s'est peint sous des noms supposés, dont plus tard il a donné la clé. Dans une série de pièces et de scènes dialoguées qui l'intitule Le drame de la vie, il a eu l'idée bizarre de représenter, comme dans une lanterne magique, les scènes principales de son existence. Cela commence au premier jeu de sa jeunesse, et cela se termine après les massacres du 2 septembre qu'il déplore amèrement. Un autre livre, Le corps humain dévoilé, décrit avec minutie toutes les impressions de cette vie si laborieuse et si tourmentée. Avant Restif, 5 hommes seulement avaient formé le projet hardi de se peindre. Saint-Augustin, Montaigne, le cardinal de Retz, Jérôme Cardan et Rousseau. Encore n'y eut-il que les deux derniers qui aient fait le sacrifice complet de leur amour-propre. Restif est allé plus loin peut-être. « À 60 ans, dit-il, écrasé de dettes, accablé d'infirmité, je me vois forcé de livrer mon moral pour subsister quelques jours de plus, comme l'Anglais qui vend son corps. » En lisant ce premier aveu, qui n'a pas dû être une de ses moindres souffrances, on se sent pris de pitié pour ce pauvre vieillard qui, un pied dans la tombe, vient avec le courage et l'énergie du désespoir exhumer les fautes de sa jeunesse, les vices de son âge mûr, et qui peut-être les exagère pour satisfaire le goût dépravé d'une époque qui avait admiré Faublas et Valmont. On a abusé depuis de ce procédé tout réaliste, qui consiste à faire de l'homme lui-même une sorte de sujet anatomique. Nous chercherons ici à en faire tourner l'enseignement vers l'étude de certains caractères, chez qui la personnalité atteint aux plus tristes illusions et provoque les plus inexplicables aveux. Nous essaierons de raconter cette existence étrange, sans aucune prévention comme sans aucune sympathie, avec les documents fournis par l'auteur lui-même et en tirant de ses propres confessions le fait instructif des misères qui font dire sur lui comme la punition providentielle de ses fautes. Notre époque n'est pas moins avide que le siècle passé de mémoires et de confidences. La simplicité et la franchise sont toutefois portées moins loin aujourd'hui par les écrivains. Ce serait une comparaison instructive à faire dans tous les cas, si la vérité pouvait avoir quelque chose de l'attrait du roman.